Chapitre 13e, le Claim 129. Situé sur la rive droite du Fort Image Creek, le Claim 129 était, comme il a été dit, le dernier du Klondike, et les poteaux qui ont marqué la limite occidentale indiquaient en même temps la frontière alasco-canadienne. Au-delà du Claim 129, vers le sud, entre deux collines peu élevées, s'étendait une prairie verdoyante que bordaient de chaque côté des massifs de bouleaux et de trembles. Au nord du Claim, la rivière promenait ses eaux rapides, d'un étiage à leur moyen, entre des berges faiblement inclinées en amont. Mais sur la rive gauche, une chaîne de hauteur venue du nord et s'infléchissant vers l'aval les relevait brusquement, presque en face d'une arête de collines plus basses qui, sur la rive droite, courant perpendiculairement au creek, formait la limite orientale de la propriété de Joseph Lacoste. C'est derrière ces collines, au pied de l'autre versant, que Jane Edgerton s'acharnait, depuis près d'une semaine déjà, à son opiniâtre et stérile labeur, au moment où le 10 juin, les deux cousins arrivèrent enfin au terme de leur voyage. En maint endroit, on apercevait maisons, cabanes ou huttes de propriétaires de claim. Sur un espace de 2 à 3 kilomètres, on pouvait compter plusieurs centaines de travailleurs. De l'autre côté de la frontière, en territoire américain, existaient des installations semblables, et en première ligne, la plus proche, celle du claim 131, propriété du Texien Hunter, qu'il exploitait depuis un an et venait de commencer sa seconde campagne. Que ce Hunter eût dans le passé cherché querelle à Josias Lacoste, son voisin, Sam Miskin et Ben Radel, qui connaissaient le personnage, étaient fort enclins à le croire. Hunter en avait été nécessairement pour ses peines. Établi conformément aux règles en usage, la propriété du Claim 129 était régulière. Déclaration de la découverte avait été faite, acceptée par l'État et enregistrée dans les délais voulus au bureau du commissaire des mines du Dominion, moyennant une somme annuelle de $35. De plus, un droit régalien de 10% de l'or extrait devait être perçu, sous peine d'expropriation en cas de fraude. Mais Josias Lacoste n'avait jamais encouru cette pénalité, et jamais non plus il n'était tombé sous le coup de la loi, d'après laquelle tout claim non exploité pendant 15 jours au cours de la belle saison fait retour au domaine public. Il n'y avait eu interruption des travaux que depuis sa mort, en attendant que ses héritiers eussent pris possession de leur héritage. L'exploitation entreprise par Josias Lacoste avait duré 18 mois. Elle s'était faite en somme, sans grand profit, les frais de premier établissement, de personnel, de transport, etc., ayant été assez élevés. En outre, une soudaine inondation du Forty Miles avait bouleversé les travaux et occasionné de grands dommages. Bref, le propriétaire du Claim 129 avait à peine couvert ses dépenses lorsque la mort vint le surprendre. Mais quel est le prospecteur qui perd jamais l'espoir, qui ne se croit pas toujours à la veille de rencontrer une riche veine, de découvrir quelques pépites de valeur, de laver des plats de 1 000, 2 000, 4 000 francs? Et peut-être, après tout, Josias Lacoste aurait-il finalement réussi, bien qu'il n'eût à sa disposition qu'un matériel très restreint? Tous les renseignements relatifs à l'exploitation, les deux cousins les obtinrent de l'ancien contremaître de Josias Lacoste. Depuis le renvoi du personnel, il était resté le gardien du claim, en attendant la reprise du travail, soit pour le compte des héritiers, soit pour celui d'un acquéreur. Ce contremaître se nommait Lorick, canadien d'origine française, âgé d'une 40aine d'années et très entendu au métier de prospecteur. Il avait travaillé pendant plusieurs années aux gisements aurifères de la Californie et de la Colombie-Britannique avant de venir sur le territoire du Yukon. Personne n'aurait pu fournir à Ben Radel des données plus exactes sur l'état actuel du 129, sur les profits effectués et à en espérer, sur la valeur réelle du claim. Tout d'abord, Lorick s'occupa de loger du mieux possible Ben Radel et Sam Miskin, qui vraisemblablement auraient plusieurs jours à passer au Forty Miles Creek. Un campement sous la tente, il préférait une chambre des plus modestes, propre du moins, dans la maisonnette que Josias Lacoste avait fait construire pour son contremaître et lui. Bâtie au pied des collines du sud, au milieu d'un massif de bouleaux et de trembles, elle offrait un abri suffisant à cette époque de l'année où les grands mauvais temps n'étaient plus à craindre. En ce qui concerne les vivres, le contremaître ne serait point embarrassé pour en assurer à ses nouveaux maîtres. Il existe en effet, dans cette région comme dans tout le Klondike, des sociétés de ravitaillement. Organisées à Dawson City, où elles sont approvisionnées par les Yukoners du Grand Fleuve, elles desservent les placeurs, non sans y recueillir de larges bénéfices, tant en raison des prix atteints par les divers objets de consommation que du nombre des travailleurs employés dans le district. Le lendemain de leur arrivée au 40 Miles Creek, Ben Radel et Sammy Skim, guidés par Lorik, qui leur racontait les débuts de l'exploitation, visitèrent le claim. Monsieur Joseph Lacoste, disait Lorik, n'employa pas d'abord son personnel, qui se composait d'une cinquantaine d'ouvriers, au forage des puits sur la rive du creek. Il se contenta de procéder à des grattages superficiels, et ce fut seulement vers la fin de la première campagne que les puits s'enfoncèrent dans la couche aurifère. « Combien avez-vous percé à cette époque ?» demanda Ben Radel. « 14, » répondit le contremaître. « Chacun d'eux a un orifice de 9 pieds carrés, ainsi que vous pouvez le voir. Ils sont restés en l'état, il suffirait d'y puiser pour reprendre l'exploitation. Mais, s'enquit à son tour Sammy Skim, avant de creuser ses puits, quel profit avait donné le grattage du sol ? Le rendement couvrait-il les dépenses ? Assurément non, monsieur, avoua Lorik. Il en est ainsi sur presque tous les gisements, lorsqu'on se borne à laver le gravier et les galets aurifères. Vous travaillez seulement au plat et à l'écuelle ? Interrogea Ben Radel. Uniquement, messieurs. Il est rare que nous ayons rapporté des plats de 3 $. Tandis que dans les claims de la Bonanza, s'écria Sammy Skim, on en fait, dit-on, de 500 à 600. Croyez bien que c'est l'exception, déclara le contremaître, et que si la moyenne est d'une 20aine de $, on se tient pour satisfait. Quant à celle du 129, elle n'a jamais notablement dépassé 1 $. Piteux, piteux, insinua Sammy entre ses dents. Ben Radel se hâta de rompre les chiens. Quelle profondeur ont vos puits ? De 10 à 15 pieds. C'est suffisant pour atteindre la couche où se rencontre ordinairement la poudre d'or. Quelle est le plus souvent l'épaisseur de cette couche ? Environ 6 pieds. Et combien un pied cube de matière extraite donne-t-il de plat ? À peu près 10. Et un bon ouvrier est capable d'en laver 100 par jour. Ainsi vos puits n'ont pas encore servi ? Demanda Ben Radel. Tout était prêt lorsque M. Joseph Lacoste est mort. Le travail a dû être suspendu. Si ces renseignements passionnaient Ben Radel, il était manifeste que son cousin y prenait aussi un certain intérêt. N'était-il pas de nature, en effet, à lui faire connaître aussi exactement que possible la valeur du 129 ? Une question précise fut à ce sujet posée par lui au contremaître. Nous avons extrait pour 30 000 francs d'or, répondit celui-ci, et les dépenses ont à peu près absorbé cette somme. Mais je ne mets pas en doute que la veine du 40 Miles ne soit bonne. Sur les claims du voisinage, lorsque les puits ont fonctionné, le rendement a toujours été considérable. « Vous savez sans doute, Lorik, dit Ben Radel, qu'un syndicat de Chicago nous a fait des offres d'achat. »« Je le sais, monsieur. Ces agents sont venus visiter le placeur il y a quelque temps. »« Le syndicat nous a offert 5 000 $ de la propriété. Est-ce suffisant, à votre avis ?»« C'est dérisoire, » affirma catégoriquement Lorik. En me basant sur les résultats obtenus dans les autres claims du 40 Miles Creek, je n'estime pas la valeur du vôtre à moins de 40 000 $. C'est un beau chiffre, dit Sammy Skim, et ma foi, nous n'aurions pas regretté notre voyage si nous en retirions ce prix-là. Malheureusement, la vente du claim sera bien difficile tant que la question de frontière ne sera point résolue. Qu'importe, objecta le contremaître, que le 129 soit canadien ou alaskien, il a toujours la même valeur. Rien de plus juste, dit Ben Radel. Il n'en est pas moins vrai que le syndicat a cru devoir retirer ses propositions malgré le bas prix offert. « Lorik, » demanda Sammy Skim, « y a-t-il lieu d'espérer que cette rectification soit prochainement terminée ?»« Je ne puis vous répondre qu'une chose, messieurs, » déclara Lorik, « c'est que la commission a commencé ses travaux. À quelle époque seront-ils terminés ? Je pense que pas un des commissaires ne pourra le dire. » Ils sont d'ailleurs aidés par l'un des géomètres les plus en renom du Klondike. Un homme d'une grande expérience, M. Ogilvy, qui a relevé avec précision l'état cadastral du district. Qu'augure-t-on du résultat probable de l'opération ? Interrogea Ben Radel. Qu'il tournera la confusion des Américains, répondit le contremaître, et que si la frontière n'est pas sa vraie place, c'est qu'il faudra la reporter vers l'ouest. Ce qui assurerait définitivement au 129 la nationalité canadienne, conclut Sammy Skim. Ben Radel posa alors quelques questions au contremaître sur les rapports de Joseph Lacoste avec le propriétaire du claim 131. « Ce Texien et son compagnon ?» fit le contremaître. « Hunter et Malone ?»« Précisément. »« Ma foi, messieurs, ils ont été fort désagréables. Je vous le déclare tout net. Ce sont deux chenapans, ces Américains-là. À tout propos, ils ont cherché Noise, et dans les derniers temps, nous ne pouvions travailler que le revolver à la ceinture. À plus d'une reprise, les agents ont dû intervenir pour les mettre à la raison. C'est ce que nous a dit le chef de la police que nous avons rencontré à Fort Kedahi, déclara Ben Raddle. Je crains, ajouta Lorik, qu'il n'ait plus d'une fois encore l'occasion d'intervenir. Voyez-vous, messieurs, on aura la paix que le jour où ces deux coquins auront été expulsés. Comment pourrait-il l'être? Rien ne sera plus facile si la frontière est reportée plus à l'ouest. Le 131 sera alors en territoire canadien, et Hunter devra se soumettre à toutes les exigences de l'administration. Et naturellement, fit observer Sam Eskim, il est de ceux qui prétendent que le 141e méridien doit être reporté vers l'est. Naturellement, répondit le contremaître. C'est lui qui a meuté tous les Américains de la frontière, aussi bien ceux du 40 miles que ceux de 60 miles. Plus d'une fois, ils ont menacé d'envahir notre territoire et de s'emparer de nos claims. C'est Hunter et Malone qui les poussaient à ces excès. Les autorités d'Ottawa ont fait parvenir leurs plaintes à Washington, mais il ne semble pas qu'on se pressait de les examiner. On attend sans doute, dit Ben Raddle, que la question des frontières ait été tranchée. Probable, monsieur Raddle. Jusque-là, il faudra nous tenir sur nos gardes. Quand Hunter saura que les nouveaux propriétaires sont arrivés au Fort Miles Creek, il est capable de tenter quelques mauvais coups. Il sait qu'il trouvera à qui parler, déclara Semeskim, car nous avons déjà eu l'honneur de lui être présentés. En parcourant l'étendue du claim, les deux cousins et le contremaître s'étaient arrêtés près du poteau séparant le 129 du 131. Si le 129 était désert, le 131 était au contraire en pleine activité. Le personnel de Hunter travaillait au puits percé en amont. Après avoir été lavé, la boue, entraînée par l'eau des rigoles, allait se perdre dans le courant du 40 miles. Ben Raddle et Sam Eskim cherchèrent vainement à reconnaître Hunter et Malone au milieu des ouvriers du 131. Ils ne les aperçurent pas. Lorik pensait d'ailleurs qu'ils avaient dû, après quelques jours passés sur le claim, se rendre plus à l'ouest, dans cette partie de l'Alaska où l'on signalait de nouvelles régions aurifères. La visite du claim achevée, les deux cousins et le contremaître revinrent à la maisonnette où les attendait le déjeuner préparé par Neluto. « Eh bien, pilote ?» demanda gaiement Ben Raddle. « Le déjeuner sera-t-il bon ?»« Délicieux, monsieur Raddle, s'il n'est pas raté. » répliqua l'Indien, corrigeant suivant sa coutume par une restriction modeste son orgueilleuse affirmation. Lorsque le déjeuner fut terminé, Sam Eskim s'enquit des projets de son cousin. « Tu connais maintenant le claim 129, lui dit-il, et tu sais quelle est sa valeur. En restant ici, je n'imagine pas que tu puisses en apprendre davantage. »« Ce n'est pas mon avis, répondit Ben Raddle. J'ai causé longuement avec le contremaître à examiner les comptes de l'oncle Josias. Je ne pense pas que ce soit trop de 48 heures pour cela. »« Va pour les 48 heures, accorda Sam Eskim, à la condition que j'ai la permission de chasser dans les environs. « Chasse, mon ami, chasse. Cela te distraira pendant les quelques jours qu'il nous faut patienter ici. »« Tiens, » observa Sam Eskim en souriant. « Voici les 48 heures devenues déjà quelques jours. »« Sans doute, » dit Ben Raddle. « Si même j'avais pu voir travailler les ouvriers, laver des écuelles et des plats. »« Oh oh !» fit Sam Eskim. « Les quelques jours me paraissent en passe de devenir quelques semaines. Attention, Ben, attention. Nous ne sommes pas des prospecteurs, ne l'oublie pas. » « C'est entendu, Sammy. Cependant, puisque nous ne pouvons pas traiter la vente de notre claim, je ne vois pas pourquoi, en attendant que la commission de rectification ait fini ses travaux, Lorik ne recommencerait pas. « Alors ?» interrompit Semeskin. « Nous voilà condamnés à prendre racine ici tant que ce maudit méridien n'aura pas été remis à sa place. Autant ici qu'ailleurs. Où irions-nous, Sammy ? À Dawson City, Ben, par exemple. Y serions-nous mieux ?» Semeskin ne répondit pas. Sentant la colère le gagner, il prit son fusil, appela Neluto, et tous deux, quittant la maison, remontèrent le ravin vers le sud. Sam Eskim avait bien raison de se mettre en colère. Ben Raddle était en effet décidé à tenter l'exploitation du placeur devenu sa propriété. Puisqu'une circonstance inattendue l'obligeait à prolonger son séjour au Fort Miles Creek durant quelques semaines, comment résister à la tentation d'utiliser les puits tout préparés, de vérifier leur rendement ? L'oncle Josias avait-il tout fait pour obtenir de bons résultats ? Ne s'était-il pas contenté de suivre la vieille méthode des orpailleurs, évidemment trop rudimentaire, alors qu'un ingénieur trouverait sans doute un autre procédé plus rapide et plus productif ? Et enfin, si les entrailles de ce sol qui lui appartenaient, il y avait à retirer des centaines de mille francs, des millions peut-être, était-il raisonnable d'y renoncer pour un prix dérisoire ? Oui. telles étaient les pensées de Ben Raddle. À tout prendre, il n'était pas autrement fâché que la question de frontière lui donnait un argument devant lequel forcerait à ce Miskim de s'incliner. Et optimiste jusqu'au bout, il allait jusqu'à se dire que son cousin finirait par prendre goût à ce qui le passionnait lui-même. Aussi, quand il eut examiné les comptes de l'oncle Josias, quand le contremaître lui fournit tous les documents de nature à le renseigner, il demanda sans préambule « Si vous aviez maintenant à recruter un personnel, le pourriez-vous, Lorik ?»« Je n'en doute pas, monsieur Raddle, » répondit le contremaître. « Des milliers d'émigrants cherchent de l'ouvrage dans le district et n'en trouvent pas. Il en arrive tous les jours sur les gisements du Forty Miles. Je pense même que, vu l'affluence, il ne pourrait prétendre à des salaires très élevés. Il ne vous faudrait qu'une cinquantaine de mineurs. Tout au plus. Mais ce Joseph Lacoste n'en a jamais employé davantage. En combien de temps auriez-vous réuni ce personnel ? Demanda Ben Raddle. En 24 heures. Puis, après un instant, le contremaître ajouta. Auriez-vous donc l'intention de prospecter pour votre compte, monsieur Raddle ? Peut-être. Du moins tant que nous n'aurons pas cédé le 129 à son prix. En effet, cela vous permettrait de mieux apprécier sa valeur. D'ailleurs, observa Ben Raddle, que faire ici jusqu'au jour où la question de frontières sera réglée d'une façon ou d'une autre ? C'est juste, approuva le contremaître. Mais qu'il soit américain ou canadien, le 129 n'en vaut pas moins ce qu'il vaut. Pour moi, j'ai toujours eu l'idée que les claims des affluents de gauche du Yukon ne sont point inférieurs à ceux de la rive droite. Croyez-moi, monsieur Raddle, on fera fortune aussi vite sur le 60 miles et le 40 miles que sur la Bonanza ou l'Eldorado. J'en accepte l'augure, Lorik, conclut Ben Raddle, très satisfait de ses réponses qui s'accordaient avec ses propres désirs. Restait-ce un Miskim ? Peut-être trouverait-il tout de même la pilule trop amère. Ben Raddle concevait à cet égard plus d'inquiétude qu'il ne voulait bien se l'avouer. Mais une heureuse chance le protégeait décidément. L'explication redoutée ne put avoir lieu. Quand Sammy revint vers 5 heures du soir, il n'était point seul. Ben le vit apparaître au sommet de la colline qui limitait le claim en aval, suivi d'un gigantesque ouvrier chargé comme une bête de somme et ayant à son côté un compagnon d'une taille au contraire très exiguë. De loin, Sammy faisait de grands gestes d'appel. Hé, arrive donc, Ben, cria-t-il dès qu'il fut à portée de la voix, que je te présente notre voisine. Miss Jane ? S'exclama Ben Raddle en reconnaissant le soi-disant compagnon de son cousin. « Elle-même, claironna Sammy, est propriétaire du claim 127 bis encore. » Il est inutile de dire si la jeune américaine reçut de l'ingénieur un cordial accueil. Celui-ci fut ensuite mis au courant des aventures de son associé, qu'il félicita avec chaleur de son sang-froid et dont il déplora sincèrement l'échec relatif. Sammy en profita pour glisser sa requête. J'ai affirmé à notre voisine, dit-il, que tu ne lui refuserais pas un conseil. J'espère que tu ne me désavoueras pas. Tu plaisantes, protesta Ben Raddle. Alors tu visiteras son claim, sans aucun doute. Tu l'examineras soigneusement, cela va sans dire. Et tu lui donneras ton avis autorisé. Dès demain. Au besoin, je ferai appel aux lumières de Lorik, qui est plus pratique que moi de ces régions. C'est très bien, Ben, et tu es un bon garçon. Quant à vous, mademoiselle, votre fortune est faite. Déclara Sammy avec conviction. Ben Raddle estima le moment opportun pour faire part à son cousin de sa décision. Et la nôtre aussi, Sammy, insinua-t-il sans oser le regarder en face. La nôtre ? Oui, puisqu'après tout il faut attendre que la question de ce maudit méridien soit tranchée, j'ai pris le parti d'exploiter jusque-là. Dès demain, Lorik recrutera du personnel. Ben Raddle s'attendait à une explosion. Il tomba nez nu en entendant son cousin dire d'un air bonasse. C'est une excellente idée, Ben. Excellente, en vérité. Puis délaissant aussitôt ce sujet, comme s'il eût été dénué d'importance, Sammy ajouta. À propos, Ben, je me suis permis d'offrir l'hospitalité nocturne de notre maison à Mademoiselle Jane, qui en est réduite à coucher à la Belle Étoile. Tu n'y vois pas d'inconvénient, je suppose? En voilà une question, fit Ben. Notre maison est à la disposition de Miss Edgerton, c'est évident. Tout est donc pour le mieux, dit Sammy. Et dans ces conditions, je suis d'avis que nous fassions faire à notre voisine le tour du propriétaire. » Acheva joyeusement Sammy, qui, sans attendre de réponse, se mit en marche, entraînant avec lui Jane Edgerton et suivi de Ben Raddle, abasourdi du détachement de son cousin. Cependant, celui-ci disait à sa compagne de l'air le plus sérieux du monde, « Les placeurs peuvent tout de même avoir du bon, quelquefois. Les placeurs, voyez-vous, mademoiselle Jane ?» Incapable de comprendre une aussi étonnante métamorphose, Ben Radel alluma une cigarette en haussant les épaules.